croire. Je reviens des arrêts comme d'un long voyage où le silence fut une méditation vécue patiemment dans la sidération d'une condamnation imposée sans partage. Ensemble, nous irons vers l'avenir radieux ou bien nous périrons dans une issue connue ou par cet inconnu dans les jours revenus, nous sombrerons alors ignorés de nos dieux. Mais que donc nous faut-il pour constater la fin de ce futile état dont l'humain se croit maître, cependant qu'il est là où il n'a su que naître et seulement combattre et la peur et la faim. Oh, mes amis que j'aime, fuyons nos afflictions vers ce bel horizon, quoi qu'en disent les veules, tous les condescendants et les hurlantes gueules, mais il faut pour cela un peu de conviction.